Bon, maintenant, à la sphère, on va faire des économies et on fera pas des économies avec n'importe qui. On va faire des économies avec Stéphane Couture, qui est chercheur associé à l'IRIS, chercheur postdoctoral en communication à l'Université McGill. Et là, on parle pas de petites économies. Là, on parle de centaines de millions. Vous savez, on vous entonne la ritournelle régulièrement. En fait, le gouvernement entonne la ritournelle régulièrement. Faut serrer la ceinture, faut couper un peu partout. Le gouvernement peut-il couper dans la manière dont il dépense? Vous dites oui à l'IRIS et beaucoup, et ou avec du logiciel libre. Bonjour Stéphane Couture. Oui, bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. C'est assez incroyable. En fait, c'est une étude que vous avez publiée cette semaine et vous dites qu'on pourrait faire des économies colossales en adoptant le logiciel libre à l'intérieur de l'appareil de l'État. Avant de parler de où on pourrait couper, qu'est-ce que c'est un logiciel libre? Alors, un logiciel libre, pour faire simple, on peut dire que c'est un logiciel dont l'accès est libre. Pour prendre une comparaison que beaucoup de monde connaissent, Wikipédia, c'est une encyclopédie libre, une encyclopédie dont les connaissances, en fait, sont accessibles un peu par tout le monde et que tout le monde participe à fabriquer collectivement et qu'on peut échanger. En fait, le code source est accessible? Oui. Dans le cas des logiciels libres, c'est un peu la même chose que dans Wikipédia, mais c'est le code source, donc le programme informatique qui est libre et qu'on peut partager. Ce qui fait que le coût des licences, les logiciels, la licence des logiciels est à toute fin pratique gratuite et on peut collaborer pour fabriquer ce logiciel. Bon, il y a des équivalents, évidemment, dans le logiciel libre au logiciel que tout le monde connaît. Par exemple, Microsoft Office, il y a Open Office, il y a le Libre Office, entre autres choses, mais il y a aussi Explorer, Chrome. Ben, probablement que vous utilisez Firefox, hein, le navigateur, c'est un logiciel libre. Et vous dites dans votre étude, c'est intéressant, en 2012, le gouvernement a choisi de renouveler une série de licences de gré à gré pour un coût total évalué à 1,4 milliard. Évaluer, c'est très important là-dedans. Et vous dites, vous, à l'IRIS, s'il avait plutôt opté pour des logiciels libres, il aurait pu réaliser des économies d'au moins 265 millions de dollars. Sur quoi vous vous basez pour dire ça? Bien, tout d'abord, sur l'évaluation du coût de 1,4 milliard, ça, c'est pas l'IRIS qui a évalué ça. C'est des chiffres qui avaient circulé l'année dernière. On parlait, dans les médias québécois, on parlait de 738 000 postes informatiques pour un coût total de 1,4 milliard. Je pense que c'était... C'est pas 138 000? 738 000. Ouais, pardon, j'avais des mauvais chiffres. Donc, ouais. 738 000 postes. Oui, puis environ 2 000 par poste. Donc, en fait, la façon qu'on a procédé pour faire cette évaluation-là, on a commencé par recenser différentes études et différentes expériences d'adoption des logiciels libres à l'étranger. On parle, par exemple, le cas de la Finlande. Le ministère de la Justice en Finlande qui a fait une migration, en fait, vers... Open Office de 10 000 postes de travail. Mais dans l'étude, on cite aussi la ville de Munich, un hôpital en Irlande. Oui, bon, il y a plusieurs cas comme ça. Un hôpital en Irlande qui a adopté le logiciel libre, on fait des économies de 30 %. C'est quand même considérable. Munich, c'est 30 %. Munich, 30 %. Et en Irlande, c'est aussi énorme. C'est 88 %, ouais. de rabais, finalement. Et de rabais d'économie. Ouais. Et il y a des études au Québec aussi qui montrent qu'on peut faire des économies. Donc, avec tout ça, en fait, il y a plusieurs niveaux, plusieurs de 30 à 70 %. Nous, on a pris un pourcentage vraiment très conservateur. Vous êtes conservateur là-dedans. Très, très conservateur, de 20 %. Puis là, on a calculé 20 %, ce qui équivaut au prix des licences. En fait, c'est comme ça qu'on a choisi. Et on arrive finalement à 262 millions. Si 265. On, 265, si ouais. On se fie aux chiffres qui avaient circulé bon. L'année dernière. Mais en même temps, dans l'étude, il y a quelque chose d'assez c'est fascinant, oui, d'une certaine manière. Vous dites que vous n'avez aucune idée du nombre précis de postes informatiques du gouvernement du Québec. Ça, est-ce que c'est parce que le gouvernement ne veut pas vous le dire ou bien parce que c'est le bordel, parce que les ministères ne se parlent pas entre eux? Nous, on s'est surtout basé sur les chiffres, des chiffres publics. Okay? Donc, on a cherché sur les sites web et tout ça. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que, bon, d'abord, cette information-là est assez diffuse et elle n'est pas complète publiquement. Mm-hmm. Par exemple, on a analysé l'étude des crédits de l'Assemblée nationale du Québec. Donc, à chaque année, l'Assemblée nationale, chacun des différents ministères, rend des comptes sur ce qu'ils ont dépensé. pour plusieurs ministères, mais pas pour tous les ministères. On a une colonne, là, une entrée licence. Pardon, logiciel, dépenses en logiciel. Mais on ne sait pas si c'est des dépenses en licence, on ne sait pas si c'est des dépenses en installation, on ne sait pas combien de logiciels. Quel logiciel? Donc, c'est très difficile avec seulement cette information. Ça serait intéressant pour un gouvernement qui a dit s'engager vers les données ouvertes, qui rendent au moins disponibles ces informations-là. Oui, en fait, ce qui circule, des suggestions qui circulent dans le milieu du logiciel libre, c'est de donner davantage d'informations, par exemple, sur le nombre de les logiciels qui sont installés, le nombre de postes informatiques du gouvernement, les dates d'acquisition puis de fin de support des licences, le prix des licences, le nom de l'éditeur. Ça pourrait être des informations importantes. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a beaucoup d'économies, mais les chiffres sont flous parce qu'on ne peut pas connaître le nombre de postes totaux et on ne peut pas connaître non plus quand il y a des dépenses qui sont faites, si c'est des dépenses de licence ou c'est des dépenses pour acheter des nouveaux postes. Mais bref, il y a des économies à faire. Mais on avait déjà reçu ici à l'émission quelqu'un qui nous parlait du logiciel libre. Je m'en souviens. Puis d'ailleurs, Martin, vous souleviez un point très intéressant, c'est que vous disiez ce qui est avec le logiciel libre, c'est bien beau de dire qu'on va faire des économies, mais quand on a quelque chose qui brise, là, qui c'est qu'on appelle quand on va avoir un logiciel, par exemple, un Open Office, là, et qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? C'est quand même une grosse question qu'on doit se poser quand on est responsable de centaines de milliers de postes informatiques, non? Oui. En fait, depuis quelques années, voilà 10 ans, je sais pas exactement comment c'était, mais aujourd'hui, il y a quand même des entreprises en forte croissance et un milieu entrepreneurial du logiciel libre très dynamique au Québec. On pense par exemple à Savoir-Faire Linux, qui est une entreprise montréalaise qui vient de s'implanter en Europe, qui a environ, voilà quelques mois, avait 70 employés, mais là, je ne sais plus parce que ça augmente chaque semaine. Il y a une association des professionnels et entrepreneurs du logiciel libre qui se réunissent pour essayer de se concerter sur donc, ça. Donc, il y a un savoir-faire ici au Québec, dans ce domaine-là, qu'on pourrait utiliser et qui coûterait possiblement moins cher que ce qu'on donne en argent à Microsoft, entre autres. Bien, d'une part, qui pourrait, en matière de support technique, je ne sais pas si ça coûterait moins cher, mais ça favoriserait l'économie locale. Et, c'est de l'argent qui reste ici. C'est de l'argent qui reste ici. Et plus important aussi, en fait, un point qu'on insiste beaucoup sur la note, c'est que ça contribuerait à briser le cercle de dépendance envers un seul fournisseur. Parce que là, on est avec Microsoft. Microsoft détient des droits. Si on a des problèmes avec les logiciels de Microsoft, par exemple, si on parle des suites Office, bien, il n'y a rien. On est pogné avec Microsoft, puis on est obligé de faire affaire avec eux autres. Tandis que, ou avec ses fournisseurs reconnus. Tandis qu'avec le logiciel libre, ben, si on n'est pas content avec un fournisseur, on peut passer à quelqu'un d'autre. Ben voilà, le message est lancé. On espère qu'il y a des gens au sein de l'appareil étatique qui nous écoutent cet après-midi. Tous nos auditeurs, dites-vous qu'il y a des centaines de millions à gagner là-dessus dans un contexte de rigueur budgétaire. On lève pas le nez là-dessus. Je rappelle, Stéphane Couture, que vous êtes chercheur associé à l'IRIS. Vous avez publié cette étude-là cette semaine.